Chapitre 5. Une agitation extraordinaire régnait à Oberwaldorf. On y attendait Faustine dans la journée, et le baptême d'un nouveau-né devait avoir lieu le lendemain. C'étaient deux grands événements dans la vie monotone de cette famille, aussi toute la maison était-elle en rumeur. Louise allait et venait d'un air affairé, surveillant les derniers préparatifs et donnant les derniers ordres. Les domestiques étaient à leur poste, comme au moment d'une bataille. Les canonniers se tiennent rangés autour de leurs pièces attendant le signal de faire feu. Derrière Louise s'agitait une troupe d'enfants turbulents qui avaient profité de cette occasion pour secouer entièrement le joug de la discipline. Leur mère avait perdu sur eux son autorité, et dans le trouble d'esprit où elle était, elle ne songeait même pas à la ressaisir. À vrai dire, cette autorité n'avait jamais été bien grande avec des enfants gâtés à qui tout était permis, car Waldorf, à leur égard, se montrait encore plus faible que sa femme, et quand elle parlait de punir, il intervenait en faveur des coupables et demandait grâce pour eux. Une fois seulement, la patience lui avait échappé. Il trouva un jour dans sa bibliothèque deux de ses fils qui s'étaient emparés du fameux exemplaire royal in folio, et qui, sans respect pour ce prodige de calligraphie, le traînait dans la poussière. Quel spectacle pour Waldorf! Il se livra à une colère épouvantable. Les deux espiègles reçurent une telle correction que le souvenir s'en perpétua parmi les jeunes membres de la famille et que, depuis lors, les écrits du bon Waldorf furent scrupuleusement respectés. « Allons, méchants enfants, sortez d'ici !» s'écria Louise en entrant dans la chambre destinée à Faustine. « Sortez d'ici » répéta-t-elle. « Vous mettez tout en désordre !» Et elle voulut joindre l'action aux paroles et chasser la troupe indocile. Mais les petits mutins lui échappèrent et coururent se cacher derrière le lit, sous le lit, dans tous les coins de l'appartement. Ils lui glissaient sous la main, se roulaient sur les tapis ou s'enveloppaient dans les plis des rideaux. « Sortez, messieurs, sortez, mesdemoiselles !» disait toujours Louise en prenant sa plus grosse voix. « Mina, je vous vois. Oh, je vous vois bien, Mina !» Mina, jolie petite fille de 4 ans, toute rose et toute joufflue, avançait en ce moment sa tête blonde et rieuse hors de l'alcôve où elle s'était retranchée. Mais à l'appel de sa mère, elle disparut aussitôt et se blottit dans sa cachette. Louise, voyant que ses injonctions et ses menaces n'étaient pas écoutées, eut recours à la ruse. « Une voiture ! Une voiture ! » s'écria-t-elle en regardant la fenêtre. « Voilà votre tante qui arrive !» Ces mots produisirent leur effet. La troupe indisciplinée, semblable à une nichée d'oiseaux, se précipita en tumulte hors de la chambre et courut dans la cour. Louise, restée maîtresse du champ de bataille, s'empressa de réparer le désordre. Faustine arriva enfin. Le matin même, elle s'était séparée d'Andlau. Cette séparation lui avait mieux fait sentir combien elle était isolée dans le monde, et elle éprouvait une tristesse amère. C'est que chez une sœur et un beau-frère, on n'est pas chez soi. Leur maison, quelque hospitalière qu'on la suppose, n'est pas notre maison. Qu'ils soient bons, tendres et affectueux, leur amitié ne nous appartient pas tout entière. Elle se partage entre d'autres parents qui nous sont étrangers et qui leur forment une seconde famille, laquelle n'est pas la nôtre. Chemin faisant, Faustine se livrait à ses réflexions, mais peu à peu des impressions différentes vinrent l'en distraire. Depuis 2 ans, elle n'avait pas visité Oberwaldorf et le paysage avait pour elle une sorte de nouveauté qui finit par l'occuper exclusivement. Le site était des plus pittoresques. Le domaine s'étendait à l'entrée d'une vallée profonde qu'arrosait une petite rivière et que fermaient de hautes collines couvertes de forêts. Des chaumières rustiques, mais où paraissait régner le bien-être, la propreté et l'abondance, étaient semées çà et là. L'œil s'égarait sur des jardins, des vergers, des champs en pleine culture, des prairies verdoyantes. Au centre du domaine, on remarquait l'habitation seigneuriale qu'on appelait respectueusement le château. Deux grands ormes l'entouraient de leur feuillage. C'était un ancien édifice, d'une architecture très simple, et dont l'extérieur avait quelque chose de négligé. Les armoiries qui en décoraient la porte principale avaient beaucoup souffert de l'injure du temps. Certains ornements en pierre étaient dégradés. Ainsi, l'urne, qu'un triton mutilé lui-même tenait suspendue sur un bassin, était ébréchée et entièrement à sec. Mais Waldorf s'inquiétait peu des accessoires futiles. Il lui suffisait que le corps du logis fût solidement construit et en bon état de réparation. Le confort intérieur était pour lui la chose essentielle. Du plus loin que Louise aperçut Faustine, elle courut à sa rencontre, et les deux sœurs s'embrassèrent avec effusion. Waldorf, un peu gêné dans ses habits de cérémonie, et cherchant à se remémorer ses formules de lettres, se présenta à son tour. « Très honorée belle-sœur, » commença-t-il d'un ton académique, puis, s'interrompant tout à coup, « Au diable les grandes phrases !»« J'aime mieux vous dire tout uniment que vous êtes mille fois la bienvenue, et que je suis enchanté de vous voir. Et pour vous le prouver, morbleu, je vais imprimer sur vos joues deux gros baisers de ma façon. » « Très volontiers, mon beau-frère, » répondit Faustine, en riant et en se prêtant de bonne grâce à la circonstance. « Je préfère cela à vos formules les plus recherchées. »« Mes formules sont tirées d'un ouvrage très savant, » répliqua Waldorf, qui avait pour les livres en général et pour celui-là en particulier une vénération toute germanique. « Et moi, puis-je me rappeler à votre souvenir ?» dit derrière Faustine une voix d'un timbre plein et sonore, mais que l'émotion rendait tremblante. La comtesse se retourna et demeura tout interdite en voyant devant elle une espèce de géant, aux formes athlétiques, aux traits largement dessinés, à la barbe noire et touffue, qui fixait les yeux sur elle avec un mélange d'admiration et de respect. « Mon Dieu, » s'écria-t-elle, « serait-ce, seriez-vous ?»« Le petit Clément, » répondit le colosse, « le petit Clément que vous ne reconnaissiez pas et qui ne vous avait pas oublié. » Faustine cherchait à se remettre de la surprise où cette apparition inattendue l'avait jetée. Waldorf intervint fort à propos. « Pardieu ! » s'écria-t-il en riant. « Il est tout simple que vous ayez eu peine à reconnaître le Burschen. Il a beaucoup grandi depuis l'époque où vous l'appeliez le petit Clément. Et c'était déjà un gaillard de 5 pieds 6 pouces. Regardez-le, avec sa barbe, ne ressemble-t-il pas au démon de la forêt du Harz ? Mais il ne faut pas que vous ayez peur de lui, c'est un brave garçon et un agneau pour la douceur, quoique un peu trop chargé d'érudition. Vous voyez que je n'ai pas peur de lui, répondit gaiement Faustine en tendant une main au jeune homme, une main qu'il pressa dans les siennes avec une sorte de vénération passionnée. Je suis charmé d'apprendre que l'écolier d'Iéna est devenu aussi remarquable par son savoir que par sa barbe. Et vous, madame, vous n'avez pas changé, dit timidement le colosse. « Au bout de 4 années, je vous retrouve aussi jeune, aussi... »« Je suis encore charmé d'apprendre cela, » interrompit Faustine, en remarquant qu'il hésitait sur le choix d'une épithète. « Il paraît, monsieur Clément, que vous avez fait aussi des progrès dans l'art de la flatterie. » Ici, Louise présenta à sa sœur ses fils et ses filles. La petite troupe se tenait à distance respectueuse et formait l'arrière-plan du tableau. Louise leur avait parlé si souvent de leur tante qu'ils brûlaient d'impatience de la voir. Il la contemplait de loin, avec une curiosité un peu sauvage, les plus jeunes se cachant derrière leurs aînés et se pressant les uns contre les autres dans un profond silence. Quand Faustine leur eut distribué à la ronde ses baisers et les petits présents dont elle s'était munie, ils disparurent à un signal de Louise, charmée qu'ils étaient d'échapper à la contrainte que leur causait la présence de l'étrangère, car leur tante, malgré ses baisers, n'était encore qu'une étrangère pour eux. Ils tremblaient devant elle, en attendant de pouvoir la servir à leurs caprices. Le souper eut lieu en famille. Le repas achevé, Waldorf, qui avait largement satisfait son vigoureux appétit, étendit ses longues jambes sous la table et s'appuya au dossier de sa chaise en homme qui sent le besoin de se recueillir. « Ah ça, » dit-il, « il serait bon, ce me semble, de décider tout de suite quel nom portera le nouveau-né. Cette affaire vous regarde, belle marraine. Comment voulez-vous que s'appelle votre filleul ? Mais comme il vous plaira, mon cher beau-frère. Non, non, cela n'est pas de ma compétence. J'ai déjà consulté Clément à ce sujet. Mais il m'a proposé des noms si savants que j'en étais effrayé et je désire vous charger uniquement de ce choix. D'ailleurs, c'est un vieil usage. Je croyais que la mode en était passée, sans doute, et voilà justement pourquoi j'y tiens. Eh bien, voulez-vous qu'il ait le nom de sa marraine et s'appelle Faustus ou Faust ? Faust ? Repartit Waldorf en se grattant l'oreille. « Clément me l'avait proposé tout d'abord. Certainement, le nom est joli. »« C'est un nom immortalisé par un poète, » dit Clément avec chaleur, « et il signifie en latin « Ne me parlez ni de poète, ni de latin pour baptiser mon fils. » interrompit Waldorf. « Faust, ce nom sent le démon, et le démon, quant à moi, j'en aimerais mieux un autre. Voyons, ma chère belle-sœur, cherchez encore. » Il ne manque pas de saints dans le calendrier. Choisissez parmi tous ces noms chrétiens celui qui vous plaira le mieux. Ici, Faustine réfléchit un moment, rougit beaucoup et d'une voix émue. « Que pensez-vous du nom d'Anastase ?»« Anastase ?» répéta Baldorf d'un air pensif. « Eh bien, voilà un nom décent et qu'un chrétien peut porter. Le nouveau-né s'appellera donc Anastase. C'est bien le moins qu'il soit favorablement partagé de ce côté-là, car sous un autre rapport, le pauvre enfant ne sera pas des mieux lotis. « Comment ? Que voulez-vous dire ? » s'écria Louise alarmée. « Qu'est-ce que cela signifie ? » ajouta Faustine. Baldorf répondit par un regard sérieux à tous les regards interrogateurs qui étaient fixés sur lui. « Cela signifie, dit-il en secouant gravement la tête, qu'au petit Anastase, décidément ce nom-là me revient assez, qu'au petit Anastase doit échoir l'exemplaire en format une douze de mon livre de recettes et de dépenses. C'est un format disgracieux qui n'a rien d'imposant. L'exemplaire, d'ailleurs, est mesquin de reliure et de papier. « N'est-ce que cela ? » dit Louise à demi-voix et en adressant un coup d'œil d'intelligence à sa sœur. « Ce format une douze est on ne peut plus déplaisant, » continua Baldorf, pour qui ce sujet avait toute l'importance du monde. « Quelle différence avec un format royal in folio ? Parlez-moi de mon exemplaire royal in folio. Figurez-vous, ma chère belle-sœur, que cet exemplaire... Faustine l'a déjà vu, » interrompit Louise. « Hein ? Qu'as-tu à dire ? » répliqua aigrement Baldorf, surpris et choqué de l'interruption. Le fait est que le bon Baldorf n'y était pas habitué. Il agissait et surtout il parlait en seigneur et en maître dans sa maison. Lorsque d'aventure il se mettait à énumérer les divers formats de ses exemplaires, Louise le laissait dire sans l'interrompre et sans donner aucune attention à ses discours. Mais ici, elle écoutait avec l'oreille de sa sœur. Faustine s'empressa d'intervenir. « Oui, mon cher beau-frère, je connais votre magnifique exemplaire royal in folio, mais je serai charmé de le revoir, et demain je vous prierai de me le montrer pour que je l'admire encore. » Baldorf, entièrement apaisé par ce compliment, reprit sa bonne humeur, et la soirée se passa sans autre incident. Les fêtes et les réjouissances auxquelles donna lieu la cérémonie du baptême ne durèrent pas moins d'une semaine. Toutes les familles du voisinage avaient été invitées. Il y avait foule au château. Les repas succédaient aux repas. On mangeait presque toute la journée. On dansait, on valsait pendant la nuit. Les intervalles étaient remplis par des parties de plaisir que Louise et son mari s'ingéniaient à arranger pour distraire leurs hôtes. Mais comme il arrive en pareil cas, ils n'y réussissaient pas toujours. Faustine détestait les réunions bruyantes où l'on s'étourdit plutôt qu'on ne s'amuse. Toutes les fois qu'elle le pouvait, sans être remarquée, elle sortirait hors de la foule et se réfugiait dans la solitude. Lorsque les hôtes que contenait le château furent partis et qu'il fut rendu à sa tranquillité première, elle se hâta de reprendre son genre de vie accoutumé. Elle se renfermait dans sa chambre et y travaillait, ou bien elle faisait de longues promenades aux environs. C'était sa distraction favorite. Louise ne comprenait pas quel plaisir sa sœur pouvait y trouver. Elle se concentrait dans les soins du ménage et ne sortait guère de ce qu'elle appelait son département. Elle descendait de temps en temps au jardin, et quelquefois même elle hasardait une petite excursion dans les terres labourées du voisinage. Mais c'était seulement pour voir si les arbres fruitiers promettaient une grande récolte, si les légumes venaient bien, si les blés commençaient à jaunir. Baldorf comprenait encore moins la manière de vivre de Faustine. Pour lui, comme pour tous ceux qui passent leur journée en plein air, occupée aux pénibles travaux de l'agriculture, la promenade était une fatigue, une perte de temps et non pas un plaisir. C'était cependant un plaisir délicieux pour Faustine. Sa sensibilité exquise, sa nature rêveuse, la rendaient particulièrement propre à goûter le charme. Elle aimait à s'égarer parmi les bois ou dans le fond des vallées, à suivre le cours sinueux d'un ruisseau bordé de peupliers verts, à se sentir libre et seule avec ses pensées. La promenade. Qui déterminera en quoi consiste l'attrait principal de la promenade? Pour les âmes comme celle de Faustine, il consiste surtout à errer seul, en compagnie de l'objet aimé, mais dans ce cas, c'est encore la solitude. On est deux et les deux ne font qu'un. Clément escortait souvent Faustine dans ses courses vagabondes. Il avait toujours à lui montrer quelques beaux points de vue, quelques curiosités de la nature, tantôt un arbre magnifique, tantôt un défilé sauvage, ou un sentier peu connu et peu pratiqué. Insensiblement, il devint son compagnon de tous les jours. Chaque soir, au coucher du soleil, Louise allait s'asseoir avec son ouvrage près de la porte du jardin. Waldorf, sa pipe à la bouche, mesurait lentement, en long et en large, l'esplanade située devant la façade de la maison. Faustine faisait quelques tours avec lui, échangeait quelques mots avec Louise, puis elle s'éloignait avec Clément. Clément réalisait en partie le type de l'étudiant allemand. C'était cette richesse de nature physique, cet enthousiasme du cœur, cette pédanterie de l'esprit, cette disposition au sentimentalisme qui serait bientôt ridicule si elle n'était pas jointe à tant de bonne foi et à tant de naïve simplicité. Clément croyait à tout et s'exaltait à propos de tout, taillé en géant et pourtant bien fait de sa personne, doué d'un intérieur agréable, il avait la douceur et la candeur d'un enfant. Depuis 4 ans, il s'était pris pour Faustine d'un attachement particulier. À l'époque où il la vit pour la première fois, ce n'était encore qu'une espèce de grand garçon d'une gaucherie et d'une timidité excessive. Loin de l'encourager, on le raillait sans cesse et il ne s'en montrait que plus gauche. Seule Faustine fut pour lui indulgente et bonne. Elle ne le rebuta point, elle ne plaisanta pas à ses dépens. Par la manière à la fois bienveillante et sérieuse dont elle le traitait, elle le releva à ses propres yeux. Elle lui donna confiance en lui-même. Elle l'avait trouvé enfant, elle en fit un jeune homme. Clément était à cet âge où les premières impressions du cœur sont si profondes et si vives. La reconnaissance qu'il conçut pour Faustine approcha de la passion. Il lui attribuait avec raison le changement merveilleux qui s'était opéré en lui. Toutes les idées nouvelles qui fermentaient dans sa tête et qui lui ouvraient un monde inconnu, il croyait les tenir uniquement de la comtesse. Toutes ses aspirations vers le beau et le bien, il les lui reportait. Elle était sa nymphe égérie, son ange tutélaire, car Clément mettait à contribution tous ses livres et toutes les religions pour exprimer ce qu'il éprouvait. Chaque fois qu'il était venu visiter son frère, il était arrivé chez Waldorf avec le secret espoir de revoir Faustine, de la retrouver. Toutefois, l'étude et les graves préoccupations de la science calment ces ardeurs d'un jeune sang ou les trompent par une distraction salutaire. Clément suivait les cours de l'université d'Iéna. Dans sa vie d'étudiant, il n'avait guère le loisir de caresser en idée cette gracieuse image qui était pour lui l'idéal de la perfection. Il ne l'avait point oubliée, mais elle s'effaçait peu à peu dans ses souvenirs et chaque mois écoulé en rendait les traits plus vagues et plus indécis. Quand, après une longue séparation, il revit Faustine aussi jeune, aussi fraîche, aussi belle qu'auparavant, toutes ses impressions se réveillèrent. Il lui sembla qu'il ne l'avait jamais quittée, ou plutôt qu'il la voyait pour la première fois, car dès lors, et sans le savoir, il commença à la regarder avec d'autres yeux. Faustine était pour lui toujours la même, elle lui témoignait la même bienveillance que jadis, mais déjà Clément était bien changé et cela ne devait plus lui suffire. Un jour que Faustine était sortie de chez elle de bonne heure pour faire sa promenade du matin, elle trouva le jeune homme qui s'était posté sur son passage et qui attendait sa venue. À son aspect, il rougit. Il la salua avec embarras et d'un air timide, il lui demanda la permission de l'accompagner. « Merci, monsieur Clément, merci, » répondit Faustine avec enjouement. « Je n'ai pas besoin de votre bras ce matin, je prétends me passer d'escorte. »« Vous me refusez ?» reprit Clément d'un ton triste et abattu. « Je vous en prie, acceptez-moi pour compagnon. »« Non, vraiment, » repartit Faustine en riant. « C'est bon pour le soir, quand la nuit peut me surprendre et que je risque de m'égarer au milieu des champs. » Mais le matin, vous savez que je m'écarte peu du château. Adieu donc, monsieur Clément, à tantôt. » Et l'ayant saluée par un geste amical, elle disparut au détour d'une allée. Clément resta longtemps immobile à la place où il lui avait parlé. Il ne l'apercevait plus, et ses yeux la suivaient encore. Le soir même, il obtint la permission qu'on lui avait refusée dans la matinée. Il conduisit Faustine au fond d'une prairie où serpentait un ruisseau que bordaient de hauts peupliers. Leur feuillage mobile se reflétait dans les eaux transparentes. La lune se levait à l'horizon, jetant sur le paysage ses clartés fantastiques. Faustine marchait lentement, absorbée dans ses réflexions. Clément ne cherchait point à l'en distraire. Lui aussi, il rêvait. À la fin, il rompit le silence. « Madame, vous allez bientôt nous quitter, je le sais. Encore quelques jours, et je vous aurai perdu. Et peut-être me faudra-t-il vous attendre de nouveau pendant 4 ans. » « Si cela arrivait, monsieur Clément, » répliqua Faustine d'un ton moitié plaisant, moitié sérieux. « J'espère que cette fois je vous reconnaîtrai. » « Et moi, je n'en suis pas certain. Quoi qu'il en soit, j'ai une grâce à solliciter de vous. »« Une grâce ? De quoi s'agit-il ? » ?»« Pendant le reste de votre séjour ici, permettez-moi de passer quelques heures de plus à vos côtés et, par exemple, consentez à ce que je vous accompagne dans vos promenades du matin. » « Mais, monsieur Clément, je vous ai dit, votre départ est si prochain. » Interrompit Clément. « Ces derniers instants s'écoulent si vite. Quand vous ne serez plus là, je retournerai à mes occupations d'autrefois. On dit que l'étude console est fait oublier. J'essaierai. » « M'accompagner dans mes excursions du matin ?» poursuivit Faustine, qui n'avait pas entendu ces derniers mots. « Quelle obstination !»« Et que voilà bien les hommes, volontaires, obstinés, exigeants, égoïstes, en toutes choses. » « Je m'attache à ce qui me rend heureux, » répliqua le jeune homme avec une simplicité touchante. « Ai-je donc un si grand tort ?»« Je ne dis pas cela. » « Je ne blâme personne de chercher son plaisir, pourvu que ce ne soit pas aux dépens du mien. »« Ce que je vous demande vous coûte-t-il à ce point ?»« Dans ce cas, monsieur Clément, je ne ferai pas comme Brutus. »« Je ne puis juger mes enfants et les condamner à mort. »« Vous voyez que j'emprunte aussi votre style. » Clément garda quelques instants de silence et parut réfléchir. « Vos enfants, vous entendez sans doute par là vos pensées. » Faustine sourit malignement en hochant la tête d'un air affirmatif. « Oh, vous avez raison, » continua le jeune enthousiaste. « Nos pensées, nos idées secrètes, les opinions que nous nous sommes formées, les désirs, les penchants de notre esprit et de notre cœur, et jusqu'aux rêves de notre imagination, ce sont nos enfants chéris. Il ne faut ni les juger ni les condamner, car ils composent notre vie. Et si nous les perdions, que nous restera-t-il ? Autant vaudrait mourir tout de suite. C'est par eux que nous sommes ce que nous sommes. » C'est par eux que nous avons des convictions, de la force et du courage. Ils nous soutiennent dans le voyage laborieux que nous faisons à travers les épreuves de ce monde. D'abord semblables à de jeunes et faibles arbrisseaux, ils grandissent peu à peu. Ils se couronnent de branches et de feuilles dont l'ombre nous protège contre les brûlants rayons du jour, et parmi lesquels des milliers de petits oiseaux nous charment et nous recréent par leurs joyeux concerts. Oh, il ne faut pas les juger, il ne faut pas les condamner. Comme vous, madame, j'ai aussi mes enfants. Je les aime et les caresse dans le secret de mon cœur. Et quoi qu'ils me fassent cruellement souffrir, je mourrai plutôt que d'y renoncer. » Voilà, monsieur Clément, un commentaire bien sérieux sur un mot que j'avais prononcé en plaisantant. Mais, pour me mettre à l'unisson avec vous, si nos idées sont fausses ou mauvaises, et si nous ne les reconnaissons comme telles, ne serait-il pas plus sage de nous en défaire ? La vérité nous consolerait de l'erreur. Et, madame, la vérité ne console pas toujours, elle tue aussi. George Foster est mort de chagrin, le cœur brisé, parce que la Révolution française, dont il avait salué la brillante aurore, ne tournait pas selon ses prévisions. George Foster était un cerveau fêlé, qui serait mort de quelque accès de fièvre chaude, quand même la Révolution française eût réalisé ses plus chères espérances. Peut-être, madame. Toujours est-il que la vérité l'a tué. Elle a tué également un autre Georges, Georges de Frundsberg, ce chef qui, ayant pris Rome d'assaut et ne pouvant plus contenir une soldatesque effrénée, se donna lui-même la mort. Était-ce aussi un cerveau fêlé ? Mais quelque chose d'approchant. Il aurait beaucoup mieux fait de travailler à recouvrer son autorité perdue et à réprimer les excès de ses soldats. Il jugeait sa position et se voyait débordé. Quand Charles Quint aussi se vit débordé par les événements, il renonça à sa double couronne. Plutôt que d'être empereur de non seulement et non pas de fait, il abdiqua. Plutôt que d'avoir le titre sans l'autorité de général, Georges de Frundsberg se perça de son épée. La vérité, toujours la vérité, oh, gardons précieusement nos illusions, celles-ci nous font vivre, celles-là donnent la mort. Vous êtes terriblement érudit ce soir, monsieur Clément, avec toutes vos citations historiques. Hélas, madame, on cite l'histoire quand on n'ose pas parler de soi. Faustine devenait distraite. Il était évident que cette conversation la fatiguait. Clément s'en aperçut et cessa de parler. Il suivait alors une des rives du ruisseau dont il a déjà été question. L'herbe de la prairie attenante était haute et émaillée d'une foule de petites fleurs de toute espèce et de tout nom, blanche marguerite, bouton d'or, pâquerette, etc. D'autres croissaient sur les bords du ruisseau et se mirait dans l'eau limpide. Tout en marchant, et tandis que Faustine était absorbée dans ses réflexions, Clément avait fait un gros bouquet. Il l'offrit timidement à la jeune femme. « Merci, dit-elle, il est joli, mais je ne puis m'en charger, il m'embarrasserait trop. » Clément s'en chargea pour elle et le portait complaisamment pendant plus d'une heure. De temps en temps, elle le lui prenait des mains pour en respirer la senteur, puis elle le lui remettait. Les pauvres fleurs sauvages ne tardèrent pas à être toutes flétries. Elles se fanent si vite. « Monsieur Clément, dit Faustine, donnez-moi ce bouquet. Voilà 7 ans que vous le portez. » Clément le lui rendit, et aussitôt elle le jeta au milieu des herbes de la prairie. « Grand Dieu, que faites-vous ? » s'écria le jeune homme, devenu immobile de surprise et avec un accent de détresse. « Ce que je fais, répliqua Faustine. Je vous débarrasse, ainsi que moi, d'un fardeau inutile. Mais je vous l'aurais porté avec tant de plaisir jusqu'au château. À quoi bon cette peine ? Ces fleurs sauvages se fanent dès qu'elles sont cueillies, et elles perdent en même temps leur fraîcheur et leur parfum. « Pauvre fleur !» ajouta Clément en contemplant son bouquet d'un air de tristesse. Un peu d'humidité eût relevé leurs tiges et ravivé leurs couleurs. « Un peu d'humidité, dites-vous » repartit Faustine, saisie d'un de ces accès de folle gaieté qui avait quelque chose de fébrile et de nerveux. « Eh bien, elles n'en manqueront pas !» Et courant au bouquet, elle le ramassa et le lança dans le ruisseau. Le jonc qui attachait les fleurs s'étant rompu, elles s'éparpillèrent à la surface de l'eau, qui commença à les entraîner dans son cours, les heurtant les unes contre les autres, les poussant contre les cailloux qui s'élevaient du milieu de son lit et les arrêtant à tous les accidents de la rivière. Clément les suivit longtemps des yeux, avec un air de compassion profonde. Il semblait qu'elles étaient pour lui la représentation de quelque emblème. « Madame, dit-il enfin, vous êtes bien cruelle. »« Et vous, bien sentimentale, répondit Faustine. « Ces fleurs avaient été cueillies pour vous. » Aussi ai-je pris la liberté d'en disposer. Pourquoi les avoir jetées dans le ruisseau? Je les aurais conservées comme un trésor. À merveille! S'écria la jeune femme en riant. Vous vous apitoyez sur leur malheureux sort. Vous feriez volontiers une élégie là-dessus. Et cette touffe d'herbe, bonne tout au plus à donner la migraine, vous auriez voulu la garder sans doute en souvenir de notre promenade. Pourquoi pas, madame? Repartit Clément d'une voix altérée en baissant les yeux. « Allez, vous êtes vous aussi un cerveau fêlé. Qu'est-ce que notre promenade a donc offert de si intéressant? Je l'ai faite avec vous et tout ce qui a rapport à vous m'intéresse. Votre sentimentalisme s'exalte à propos des choses les plus indifférentes. Non, seulement à propos de celles qui vous concernent. Est-ce un mal? Est-ce un crime? Socrate passait de longues heures assis au pied de Déotima, recueillant avec avidité chacun des mots qui sortaient de la bouche de cette belle Athénienne. Et ne dédaignant pas de s'instruire en l'écoutant, je ne suis pas Socrate, et moi je ne suis pas Déotima. Je n'ai ni assez d'esprit, ni assez de beauté pour ce rôle. Vous, au ciel ! S'écria Clément hors de lui et ne se possédant plus. Vous êtes... Écoutez-moi, monsieur Clément. Lui dit-elle avec une dignité calme. Je n'aime pas les compliments. Qu'il ne soit jamais question de cela entre nous. Je suis toute simple et toute terre à terre. Avec moi, pas de grands mots, pas de phrases empolées, pas de sentiments romanesques. Je ne vous comprendrai pas, je ne pourrai point vous comprendre, et vous perdriez votre éloquence. Mon Dieu, je sais bien que les hommes se croient tenus de prodiguer aux femmes cette sorte de monnaie courante qui en réalité ne représente aucune valeur. C'est la règle générale. Or, bien, je déteste les règles générales, et je suis pour les exceptions. Soyez de ce nombre, traitez-moi en ami, en femme raisonnable, et surtout... ne m'érigez point en Déotima. D'autant que le rôle de Socrate ne me paraît pas être beaucoup dans vos moyens. Clément demeura muet et confus, sans trouver rien à expliquer, mais il murmurait en lui-même avec dépit. Des compliments. L'expression des sentiments les plus vrais devrait-elle être appelée de ce nom? Ah, si j'osais dire tout ce que je pense. Ce soir-là, Faustine abrégea de beaucoup sa promenade, rentrée dans sa chambre et écrivit au baron la lettre qui suit. « Anastase, je suis triste, je souffre. Mes jours s'écoulent comme une eau qui ne laisse pas de traces derrière elle. Vivre comme je le fais, dans l'ennui, dans la torpeur, dans l'anéantissement de toutes les facultés, c'est végéter, et je voudrais en vivre. Cette existence dont rien n'accidente l'uniformité, cette tranquillité monotone où manquent les émotions, me pèse, me fatigue. J'ai peur de mourir sans avoir vu, craint ou aimé. Quoi, je l'ignore. » Mais il y a un bien inconnu après lequel je soupire. c'est quelque chose qui comprend le passé, le présent et l'avenir, quelque chose vers lequel je m'élance, que je cherche à étreindre et à saisir, et qui m'échappe sans cesse. Oh, l'avenir, avec quelle avidité je l'interroge. Comme j'aime à en sonder les mystérieux abîmes, comme je cherche le composé d'après le passé et le présent. Le doute et l'anxiété, seul résultat où j'arrive, valent encore mieux pour moi que cette léthargie de la pensée. Ils trompent mon ennui, ils m'occupent. J'échappe ainsi à l'ordre de choses où je suis placé, et planant par-dessus les mondes, je parcours des espaces que l'imagination elle-même ne mesure pas. Mais dites-moi donc, Anastase, pourquoi il y a des gens qui ne sont pas tourmentés de ces vagues désirs, et qui, confinés dans leur sphère, y vivent heureux et contents, sans s'inquiéter de ce qui est au-delà? Je me prends quelquefois leur portée en vie, en supposant que cette indifférence tient à l'excès du bonheur. Puis je réfléchis qu'un horizon étroit suffit à celui dont la vue est bornée, et je cesse d'envier un tel partage. Si j'allais, par exemple, confier à mon beau-frère Waldorf mon impatience de connaître l'avenir, il me recommanderait quelques diseuses de bonne aventure, et il ajouterait avec un grand rire « Mais croyez-vous à de pareilles fadaises ? Ce serait tout. Il n'aurait pas compris mon mal, et ne s'embrasserait nullement de le comprendre. Mon beau-frère, puisque je vous parle de lui, est un brave et digne homme. C'est l'honnêteté et la droiture personnifiées. Ma sœur Louise est aussi une excellente femme, qui semble créée tout exprès pour son mari. Nous nous accordons tous parfaitement, et pourtant, si j'étais obligée de passer ma vie avec eux, je serais bientôt morte. Oui, je le sens, je ne résisterai pas à cette épreuve. L'ennui tuerait votre Faustine. » L'ennui, je ne l'éprouve jamais auprès de vous, Anastase. Votre présence me tient lieu de distraction et d'amusement. Nous ne sortons pas, nous vivons retirés du monde. Je reste des semaines entières enfermé dans ma chambre et cependant, je ne désire rien. Mon esprit et mon cœur sont toujours occupés. Pourquoi cela? Vous connaissez peut-être le mal qu'on appelle la danse de Saint-Guy, cette contorsion convulsive des membres qu'on ne peut voir sans éprouver quelque étrange désir de l'imiter. Eh bien, il me semble parfois que la maison de mon beau-frère est livrée tout entière à la danse de Saint-Guy. Chacun s'agite et travaille. C'est un bruit, une activité, un mouvement continuel. En sorte qu'au milieu de cette agitation générale, je me sens tenté de remuer aussi les pieds et les mains. Mais hélas, mes pieds et mes mains n'ont été exercés à rien d'utile. Décidément, Anastase, je ne suis pas né pour une vie industrieuse. S'il me fallait gagner mon pain à la sueur de mon front, comment ferais-je? Je ne saurais l'imaginer. Louise prétend qu'elle s'est formée elle-même aux travaux domestiques. Cela était sans doute dans sa vocation. Je ne crois pas que ce soit la mienne. Elle adore ses enfants. Tout ce qui les concerne l'intéresse au dernier point. Les soins qu'exigent ces innocentes créatures sont, pour elle, l'occupation la plus agréable. La nature le veut ainsi, mais la nature n'a pas voulu que je fusse mère. Je conçois des sentiments puérils chez les autres, mais je ne les partage pas. Ainsi, malgré mon désir de m'utiliser, je suis condamné à l'inaction. Donner aux enfants les soins physiques nécessaires me répugne, je l'avoue, et d'ailleurs, je m'y entendrai fort peu. M'occuper de leur éducation, ce serait empiéter sur les droits de Louise, qui en est très jalouse et qui garde encore cette tâche pour elle seule. Quant à l'économie domestique et au gouvernement d'aménage, toutes les fois que ce sujet intéressant est mis sur le tapis, c'est-à-dire très souvent et pendant de longues heures, je suis réduite à écouter en silence, comme il convient à une femme qui là-dessus ne connaît rien de rien. Vous conviendrez, Anastase, que je joue ici un rôle humiliant. Je m'en dédommage autant que je puis avec Clément Waldorf. C'est un savant qui parle, et même qui parle bien. Je lui communique mes idées, il m'écoute, il me répond. Que me répond-il, je l'ignore. Presque toujours mon attention est ailleurs. Personne, excepté vous, Anastase, ne me répond comme je le voudrais. Encore aimerais-je mieux que vous le fassiez de vive voix que par lettre. Vos chères lettres elles-mêmes me fatiguent, m'irritent. Que cet aveu ne vous choque pas, Anastase, mais qu'il vous fasse comprendre quel est l'état de mon âme. Oh, puisse arriver bientôt l'instant où nous serons réunis, puisque c'est près de vous seulement qu'il y a du repos et du bonheur pour votre Faustine.